La vérité n'a pas sa place. Parti, sans jamais me retourner. Entre les mensonges et les promesses, l'angoisse, les mauvaises journées. Beaucoup de taxes sont mes problèmes. Plus tout calmé, dans une pièce rien d'allumer. Yeux gris, fort mal luné. J'ai parfois envie de tout foutre en l'air. J'suis dans l'excès, fais de la dé. Le voyage pour le grand amour est annulé. Prêt pour l'imprévisible et les faits divers. Y'a que moi qui me rend faible. C'est un trésor que je renferme. Ce soir je suis sous calumé. Je viens d'allumer. Je ne m'aime plus, demain c'est loin mais je m'aimais. Je viens d'allumer. Ce soir je suis sous calumé. Je viens d'allumer. Je ne m'aime plus, demain c'est loin mais je m'aimais. La vérité n'a pas de place. Des histoires qu'on a classées sans suite. On en oublie le partage. Je n'ai pas envie de faire la guerre mais j'en suis. J'ai envie de m'envoyer en l'air. Mais je ne sais pas de quelle façon. Elle m'a dit que l'amour elle l'avait en elle. On guérissait tout grâce au pardon. Ou peut-être bien le calumer. Toute cette matrice est faite pour s'amuser. Ce soir je suis sous allumé. Je viens d'allumer. Je ne m'aime plus, demain c'est loin mais je m'aimais. Je viens d'allumer. Ce soir je suis sous allumé. Je viens d'allumer. Je ne m'aime plus, demain c'est loin mais je m'aimais. Je viens d'allumer. I'm sorry.